Ézéchiel chapitre 26. Et il arriva en la 11e année, le premier jour du mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, parce que Tiradi touchant Jérusalem, celle qui était la porte des peuples a été rompue, elle s'est réfugiée chez moi, je serai rempli, parce qu'elle a été rendue déserte. À cause de cela, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr, et je ferai monter contre toi plusieurs nations, comme la mer fait monter ses flots. Et elles détruiront les murailles de Tyr, et démoliront ses tours, je raclerai sa poudre, et la rendrai semblable à une pierre sèche. Elle servira à étendre les filets au milieu de la mer, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel, et elle sera en pillage aux nations. Et les villes de son ressort qui sont à la campagne, seront mises au fil de l'épée, et elles sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici je m'en vais faire venir de l'Aquilon contre Tyr, Nebuchadnetsar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, et des chariots, et des gens de cheval, et un grand peuple assemblé de toutes parts. Il mettra au fil de l'épée, les villes de ton ressort qui sont à la campagne, il fera des forts contre toi, il dressera des terrasses contre toi, et il lèvera les boucliers contre toi. Et il posera ses machines de guerre contre tes murailles, et démolira tes tours avec ses marteaux. La poussière de ses chevaux te couvrira à cause de leur multitude, tes murailles trembleront du bruit des gens de cheval, des charrettes, et des chariots, quand il entrera par tes portes, comme on entre dans une ville à laquelle on a fait brèche. Il foulera toutes tes rues avec la corne des pieds de ses chevaux, il tuera ton peuple avec l'épée, et les trophées de ta force tomberont par terre. Puis ils butineront tes biens, épieront ta marchandise, ils ruineront tes murailles, et démoliront tes maisons de plaisance, et ils mettront tes pierres et ton bois, et ta poussière, au milieu des eaux. Et je ferai cesser le bruit de tes chansons, et le son de tes harpes ne sera plus ouï. Je te rendrai semblable à une pierre sèche, elle sera un lieu pour étendre les filets, et elle ne sera plus rebâtie, parce que moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à Tyr, les îles ne trembleront-elles pas du bruit de ta ruine, quand ceux qui seront blessés à mort gémiront, quand le carnage se fera au milieu de toi? Tous les princes de la mer descendront de leur siège, et ôteront leurs manteaux, et dépouilleront leurs vêtements de broderie, et se vêtiront de frayeur, ils s'assuiront sur la terre, et ils seront effrayés de moment en moment, et seront désolés à cause de toi. Et ils prononceront à haute voix une complainte sur toi, et te diront, comment as-tu péri, toi qui étais fréquenté par ceux qui vont sur la mer, ville renommée, qui était forte en la mer, toi et tes habitants, qui se sont fait redouter à tous ceux qui habitent en elle? Maintenant les îles seront effrayées au jour de ta ruine, et les îles qui sont en la mer, seront étonnées à cause de ta fuite. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, quand je t'aurai rendu une ville désolée, comme sont les villes qui ne sont point habitées, quand j'aurai fait tomber sur toi l'abîme, et que les grosses eaux t'auront couverte, alors je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers le peuple d'autrefois, et je te placerai aux lieux les plus bas de la terre, aux endroits désolés depuis longtemps, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, mais je remettrai la noblesse parmi la terre des vivants. Je ferai qu'on sera tout étonné à cause de toi, de ce que tu n'es plus, et quand on te cherchera, on ne te trouvera plus à jamais, dit le Seigneur, l'Éternel.